ne leur manque que la parole. C'est par ce lieu commun, un rien condescendant, que l'on marque de façon précise, définitive, la différence entre nous, les humains, et eux, les animaux. Mais plus l'éthologie progresse, plus nous nous rendons compte que cette limite que nous aimerions par confort bien distincte et de préférence bien étanche entre notre intelligence et la leur, eh bien cette limite est plus fluctuante, plus ténue et chaque jour un peu plus trouble. Le problème, c'est qu'il est bien compliqué de penser l'intelligence animale sans se référer à la nôtre. Comment pensent les animaux ? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'actualité de la recherche en éthologie et les obstacles qui se dressent entre les animaux et notre faculté à comprendre leur mode de pensée, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Christen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, éthologue. Vous avez contribué, ainsi que Dominique Lestel, qui devrait nous rejoindre dans quelques minutes, on l'espère, à cet ouvrage absolument remarquable que j'ai ici, un gros ouvrage, Révolution animale, comment les animaux sont devenus intelligent, un ouvrage coédité par Arte Éditions et Les Liens qui Libèrent, préfacé par Jane Goodall et dirigé par Karine Lou-Matignon. Il s'agit d'une collection, une compilation d'articles autour de cette question vaste de l'intelligence animale par un certain nombre de grands noms. C'est vraiment un très très beau livre que je conseille vivement à nos auditeurs. Alors pour commencer, Yves Christen, puisqu'on va voir que le biais anthropomorphique est l'un des principaux obstacles à l'appréhension et à la compréhension des capacités cognitives des animaux, est-ce qu'il faut parler d'intelligence animale ou de cognition animale ? Oh, je crois qu'on peut parler des deux. Il y a l'intelligence, c'est une partie de la cognition, et il y a évidemment et de l'intelligence et de la cognition chez les animaux. D'une certaine manière, on le savait depuis toujours, mais ce qui est clair aujourd'hui, grâce à un grand nombre d'investigations expérimentales précises, c'est qu'effectivement, pour parler simplement, les animaux sont beaucoup, beaucoup plus intelligents que nous ne le croyons précédemment. Et non seulement ils sont plus intelligents, mais il apparaît de plus en plus impossible, je dirais, de trouver quelque chose comme le propre de l'homme, c'est-à-dire une caractéristique cognitive qui n'existerait que dans l'espèce humaine. J'ajoute à cela d'ailleurs que, bien que ceci paraisse surprenant à beaucoup, ça n'est pas si surprenant que cela, dans la mesure où nous pensons avec un dispositif, une mécanique, en gros avec notre cerveau, si vous voulez, avec un mode d'arrangement des cellules de notre cerveau, qui est très exactement le même dans tout le monde animal. Il n'y a pas un type de neurone, de cellules nerveuses, particulier dans le cerveau humain. Il n'y a pas de molécule particulière dans le cerveau humain qu'on ne trouverait pas dans le cerveau des autres animaux. Donc, globalement, cette mécanique mentale, pour prendre un mot un peu abstrait, elle est très exactement du même type dans tout le monde animal. Ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose, bien entendu. Le cerveau d'un homme n'est pas exactement le même, loin s'en faut, de celui d'une mouche drosophile ou de celui d'un ver d'hématode, bien entendu. Mais le mécanisme lui-même est fondamentalement le même, c'est-à-dire qu'il y a dans tous les cas une sorte de dialogue entre des cellules nerveuses qui communiquent, qui forment des réseaux. Ces réseaux peuvent être une fois encore beaucoup plus compliqués si on a un très gros cerveau avec des millions de neurones, beaucoup plus compliqués que si on a un tout petit cerveau avec quelques dizaines de neurones. Mais globalement, c'est le même type de mécanisme. Vous évoquiez à l'instant le propre de l'homme. L'expression usuelle est que le rire serait le propre de l'homme. On sait que ça n'est pas le cas. Nous avons fait ici même, il y a quelques semaines, une émission consacrée aux grands singes et aux primates. Et on s'est demandé, on s'est posé la question si finalement ce n'était pas les larmes qui seraient le propre de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors on a beaucoup débattu, vous savez, dans la littérature de la question des larmes. Il y a notamment la question de savoir si les éléphants peuvent pleurer ou pas. Darwin avait écrit là-dessus. Je crois que la question des larmes n'est pas entièrement claire, j'allais dire pour tout le monde, mais chacun acceptera que l'important, c'est pas tellement la production lacrymale. Ce qui est important, c'est de savoir dans quelle mesure des êtres vivants peuvent ressentir des émotions qui sont du type de celles qui nous font pleurer. C'est-à-dire si les animaux non humains peuvent avoir du chagrin, de la peine, du désespoir. Et alors là, je crois qu'il est incontestable que tel est bien le cas. Ce qui est remarquable, d'ailleurs, c'est que tous les propriétaires de chiens le savent depuis toujours. Bien entendu que leurs chiens éprouvent des émotions extrêmement fortes. Mais il est peut-être dans la logique de la science, ça n'est peut-être pas absurde d'être sceptique. Et effectivement, un certain nombre de scientifiques ont trouvé, comment dirais-je, normal d'être sceptique, de dire oui, mais est-ce que c'est vraiment des émotions, est-ce que c'est vraiment des sentiments? Et je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus guère de doute quant au fait qu'effectivement, on peut considérer que les animaux non humains, singulièrement les primates, bien entendu, mais pas uniquement les primates, on parlait des chiens tout à l'heure, éprouvent effectivement des émotions très fortes et du chagrin, du désespoir comme les humains. Et quand on parle, tandis que Dominique Lestel vient nous rejoindre, asseyez-vous, merci de nous retrouver en studio, et quand on parle, oui, je disais de l'intelligence animale, on peut inclure dans cette question, dans cette problématique vaste de l'intelligence, celle de l'empathie et des émotions. On va en reparler également au cours de 7 heures. Et avant de rentrer un peu dans cette historique de l'éthologie et de la façon dont les différentes sociétés et civilisations humaines ont appréhendé au fil de l'histoire cette question de l'intelligence animale, quelle serait la forme d'intelligence, de cognition, d'empathie, d'émotion qui vous a le plus surpris au cours de votre carrière, Yves Christen, et puis Dominique Lestel juste écoutez, après? Écoutez, évidemment, c'est un peu subjectif. Je dirais qu'en ce qui me concerne, peut-être la chose qui, oui, me surprend le plus, en tout cas m'a le plus fasciné, est la question de la métacognition, c'est-à-dire la question du savoir sur le savoir. Je ne doutais pas, quant au fond, que des animaux non humains puissent avoir de la métacognition, sachent qu'ils sachent, mais je trouve que le fait de l'avoir démontré dans plusieurs espèces animales, surtout les primates et les dauphins, est quand même une chose assez fantastique. Et je dois dire d'ailleurs que c'est encore plus intéressant si on considère que d'une certaine manière, on en connaît plus chez les animaux non humains que chez les humains, puisqu'il a été possible d'investiguer chez les primates les processus neuronaux cérébraux en mettant des électrodes dans le cerveau qui sont sous-jacents à cette capacité cognitive. Donc d'une certaine manière, de façon matérialiste, si je puis dire, on est plus sûr qu'il y a de la métacognition chez les animaux non humains que chez les humains. Dominique Lestel, bienvenue. Merci, excusez-moi pour le retard. La même question, quelle forme d'intelligence, d'empathie, de cognition chez l'animal vous a le plus fasciné ou surpris au cours de votre carrière? Ce qui m'a beaucoup fasciné, c'est ce que Whitten et Byrne dans les années 80, fin des années 80, avaient appelé l'intelligence machiavélienne, c'est-à-dire la capacité à tromper, la capacité à ruser, la capacité même à mentir chez certains animaux. Qu'ils puissent avoir de telles capacités me remplissait de joie. La perversité était tout à fait partagée entre humains et autres animaux. Vous pensez à un exemple en particulier ? Il y en a plein. Whitten et Byrne avaient publié en 88 un article fondateur sur la question qui était fait de façon très maligne, puisqu'il avait fait un sondage auprès des primatologues sur les anecdotes qu'ils avaient, et ils avaient répertorié toute une série de tels comportements, en particulier le jeune mâle qui copule avec une femelle interdite et qui se cache de façon très rusée du mâle, mais pas suffisamment rusée, puisque le mâle alpha en question les découvre, et au moment où le mâle va voir ce qui arrive, parce qu'on n'est pas un mâle alpha babouin pour rien, et se rend compte de la situation, la femelle se met à couiner comme si elle venait d'être violée par le mâle, ce qui était manifestement pas le cas. Alors, suite à cet exemple de machiavélisme chez le babouin, je voudrais vous poser aussi une question, parce que donc l'éthologie telle qu'on la pratique aujourd'hui, l'éthologie contemporaine, finalement, est une science, on pourrait dire, assez jeune dans sa forme actuelle. Elle remonte quoi, à la fin du 19e siècle, milieu du 19e oui, siècle? Oui, ça dépend. On fait souvent remonter ça à Conrad Lorenz, mais bien sûr, l'éthologie, l'observation du comportement remonte bien avant. D'une certaine manière, on pourrait trouver, peut-être chez Aristote, de tout temps, des gens ont observé des animaux. Je crois quand même que l'élément charnière dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines de la biologie, est lorsqu'on a opéré le mariage entre l'étude du comportement et le darwinisme, parce que ça permet permettait d'entrer dans une attitude vraiment scientifique, de charpenter le travail par des hypothèses. Vous voyez, pas seulement des observations anecdotiques, mais avoir derrière cela des hypothèses qui organisent et qui rendent cohérent le système. Dominique Lestel, est-ce que vous pensez que notre rapport aux animaux a été forgé aussi en Occident par la culture religieuse et notamment judéo-chrétienne de l'Occident, c'est-à-dire que le rapport que nous avons nous est radicalement différent du rapport que peuvent avoir par exemple les populations asiatiques? Oui, pour plusieurs raisons et en particulier pour des raisons de combat idéologique, c'est-à-dire que quand le christianisme a commencé à s'installer en Europe, il a été confronté à une concurrence sauvage, et vous verrez, c'est le cas de le dire, qui était celle de la concurrence des païens. Et une caractéristique des païens était précisément d'avoir des relations avec leurs dieux, avec des esprits, par l'intermédiaire d'animaux. Et par conséquent, le rejet du paganisme passait aussi par une disqualification de l'animal et de l'animalité. Et par la suite, plus tard, l'une des caractéristiques des sorcières était, comme vous le savez, toujours d'être en contact avec des animaux plus ou moins sournois, en particulier les fameux chats noirs, mais il y en avait beaucoup, beaucoup d'autres. Le paganisme a toujours été très lié avec la question de l'animal, et à mon avis, c'est un point absolument central. Sur la question, par exemple, au Japon, le Japon qui a une tradition animiste, je le disais en préparant cette émission, qu'au Japon, finalement, il faut prouver que les chimpanzés n'ont pas de conscience, qu'il faut faire la démarche inverse que celle qui doit être faite en Occident pour prouver que les chimpanzés ont une conscience, Yves Christen. Vous savez, le Japon est un bon exemple parce que vous savez qu'il y a une grande date dans l'étude des capacités mentales des animaux qui est celle de la découverte sur les macaques japonais du lavage des patates. Et quand les chercheurs japonais ont commencé à travailler là-dessus, le leader de la primatologie japonaise, qui était un nommé Imanishi, qui était peu connu en Europe et très critiqué parce que par ailleurs il était anti-darwinien. Enfin, ces gens-là étudiaient les singes en les reconnaissant, comme on le fait communément aujourd'hui, en connaissant leur visage, en connaissant leur allure, leur démarche, alors qu'à la même époque, les Américains, notamment sous la houlette de Carpenter, dans cette espèce de réserve qu'ils avaient créée au Panama, peignaient un chiffre, n'est-ce pas, à peinture sur le dos, et ils ne voulaient d'ailleurs pas croire que les primatologues japonais étaient capables de reconnaître leurs clients, si je puis dire, simplement par leur visage, leur allure. Dominique Lestel ? Oui, alors il y a une différence qui est assez intéressante et significative, c'est celle qu'on voit dans la formation des primatologues au Japon ou dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux, les primatologues sont en général des psychologues ou des anthropologues physiques, alors qu'au Japon, ce sont des, pendant longtemps tout au moins, ça a été des anthropologues sociaux. Et donc les fameux primates, dont macaques dont vous parlez, en particulier, étaient étudiés selon des méthodes tout à fait ethnographiques, et ce qui a permis de faire des découvertes tout à fait remarquables. Maintenant, il faut aussi se méfie un petit peu parce que par exemple dans le laboratoire de Matsuzawa, qui est un des grands primatologues japonais contemporains, il y a un traitement qui est quand même différent qui est fait vis-à-vis des chimpanzés, qui sont des animaux nobles, et les macaques et autres petits singes qui sont beaucoup moins importants. Il y a une gradation malgré tout. Il y a une gradation. Quant aux insectes, etc., c'est encore plus faible. Alors, vous m'amenez là où je souhaitais, puisqu'on parle d'intelligence animale ou de cognition animale. Parlons d'intelligence animale pour initier tout le monde au cours de cette heure. Il faudrait mettre tout cela, évidemment, au pluriel, puisque les intelligences ne sont pas similaires entre les espèces. Il y a évidemment, on l'a évoqué au tout début de cette émission avec Yves Christen, des différences phylogénétiques. Les oiseaux ne pensent pas comme les primates, qui ne pensent pas eux-mêmes comme les dauphins, même s'il peut y avoir des points communs. Je vais vous poser une question très vaste. Comment dépasser la perspective anthropomorphique quand on réfléchit à l'intelligence des animaux? La question se pose, cher ami, de savoir s'il faut dépasser la perspective anthropomorphique. Moi, je pense qu'il faut dépasser la perspective anthropocentrique. Je pense, par contre, que l'anthropomorphisme est tout à fait raisonnable, dans la mesure où nous savons que nous sommes bâtis avec le même type de matériaux, que nous résultons du processus de sélection naturelle. Il est donc tout à fait légitime de penser que nous avons des choses en commun. Alors, évidemment, l'anthropomorphisme ridicule ridicule de croire qu'une mante religieuse fait une prière, bon, bien entendu. Mais si vous prenez une épingle et que vous piquez le doigt d'un être humain ou d'une souris et que l'être humain, comme la souris, pousse un cri et retire son doigt, vous pouvez penser raisonnablement que dans les deux cas, ces deux personnages éprouvent de la douleur. Donc l'anthropomorphisme me paraît être légitime en première approximation, ce qui ne veut pas dire que toute démarche anthropomorphique est parfaitement justifiée. Dominique Lestel, vous partagez ce point de vue ? Je partage en partie ce point de vue, c'est-à-dire que en tant qu'humain, on a un point de vue qui part de l'humain et que tant qu'à faire, autant l'assumer effectivement. Ceci dit, on peut essayer de réguler ce handicap d'humain et d'essayer de se mettre à la place d'animaux, même si on ne saura jamais les animaux, parce qu'on saura, même si on arrive par exemple à se mettre à la place d'une chauve-souris, je fais allusion là à un débat qui a eu lieu en éthologie, même si on arrive à se mettre à la place d'une chauve-souris, de toute façon on ne sera jamais qu'un humain qui s'est mis à la place d'une chauve-souris et qui a déjà une histoire qui est différente. Donc je pense que ce qui est plus intéressant, c'est les processus d'animalisation, c'est le fait de s'ouvrir à l'animal, le fait de se transformer plus ou moins partiellement en animal, de façon symbolique, de façon sociale, culturelle, psychologique et même métabolique. Ce qui n'est pas sortir de son anthropomorphisme, c'est se rapprocher de l'animal, c'est pas la même chose. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Joël Fagot, il est chercheur au laboratoire de psychologie cognitive c'est l'extrait, c'est notre archive CNRS Images du jour, extrait d'un film de 2011, raisonné par analogie, les babouins aussi. Écoutez Joël Fagot. La cognition animale renvoie en fait à la notion de vie mentale de l'animal. Alors, il existe certainement des différences, à la fois des différences et des ressemblances entre le monde mental de l'homme et le monde mental de l'animal. Par exemple, une différence évidente, c'est que l'homme a du langage alors que l'animal n'en a pas. L'objectif principal des travaux dans le domaine de la cognition animale vise à comprendre finalement comment l'animal fonctionne et quelles sont les choses qu'il est capable de faire, quels sont les modes de traitement, en fait, quelle est sa connaissance du monde, indépendamment du langage. Voilà une réaction à ce point de vue de Joël Fagot, oui. Dominique Lestel ? Déjà, vouloir réduire l'intelligence à des caractéristiques mentales me semble un peu audacieuse, en ce sens qu'un très grand nombre de caractéristiques d'intelligence de l'animal provient de la relation qu'il va avoir avec les autres animaux, ses congénères, les espaces dans lesquels il va vivre et les écologies dans lesquelles il va se trouver. Et le fait est que réduire l'intelligence au mental est un peu restrictif. Donc il y a évidemment une partie mentale, mais n'en faire que ça me semble abusif. Joël Fagot pose aussi la question du langage, du lien entre l'intelligence et le langage. Moi, je dois dire que je n'adhère plus du tout à l'idée selon laquelle les animaux non humains n'auraient pas de langage. Je l'ai écrit comme tout le monde, mais je dois dire qu'il faut avoir la lucidité de reconsidérer complètement cette situation. Nous n'avons plus aujourd'hui d'arguments raisonnables pour penser que l'espèce humaine serait la seule espèce qui parle, d'autant plus que nous connaissons au moins un exemple d'animal non humain qui parle en langage humain, qui répond à des questions de manière intelligente, dans ce moment qui comprend ce qu'on lui dit, mais qui répond, c'est le perroquet gris du Gabon. Donc je crois que l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de langage animal a toujours été une mythologie, à mon avis, mais aujourd'hui on peut considérer que c'est tout simplement faux. Dominique Lestel ? Oui, je pense que je partage tout à fait l'opinion d'Yves Christen sur ce fait. Il y a de très nombreux travaux qui montrent que l'accès au langage de l'animal, au langage humain de l'animal est très important. Et il n'y a pas que le langage humain. Il y a en particulier tous ces travaux de biosémiotique et de zoosémiotique qui se développent, qui montrent que le rapport à la signification et le traitement de la signification est très important chez la plupart des animaux. Et je crois qu'il faudrait ajouter à ce qu'a dit Dominique Lestel le fait que, n'oubliez pas que dans toutes ces études, on a essayé de faire en sorte que les animaux parlent un langage humain, que ce soit l'anglais, le langage du sourmier, etc. Normalement, étant supposé plus intelligent, on aurait dû trouver le moyen, nous, humains, de trouver un moyen de parler quelque chose comme un langage animal. Il y a des ébauches de cela, mais enfin, on est relativement loin. Donc l'animal non humain a fait l'effort, si je puis dire, de condescendre jusqu'à parler un langage humain. Alors, il y a un autre problème qu'on n'a pas abordé encore avec l'anthropocentrisme et l'anthropomorphisme, c'est l'ethnocentrisme. C'est que l'éthologie est massivement occidentale, même au Japon maintenant, elle est d'inspiration très, très occidentale. Et on voit les intelligences animales beaucoup à travers les grilles de notre culture. Et il y a de très nombreuses cultures dans lesquelles les chasseurs en particulier sont capables d'arriver à des communications avec certains animaux qui est tout à fait prodigieuse. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Dominique Lestel, philosophe et éthologue, et de Yves Christen, biologiste et éthologue, pour parler de la question vaste et complexe de l'intelligence animale, des intelligences animales, puisqu'on vient de montrer qu'il n'y en avait certainement pas une seule, mais toute une diversité. Et on peut parler, et on voit aussi se discerner une question à travers cette interrogation sur les questions qui relèvent de l'intelligence collective chez les insectes. Est-ce que là encore, on peut parler d'une forme d'intelligence? Est-ce que c'est une forme de coordination? Est-ce que c'est une forme d'instinct chez cette catégorie qui n'est pas dotée, a priori, d'un système nerveux central, Yves Christen? C'est une question compliquée. Je pense qu'il y a de la cognition chez les insectes. Il n'y a pas effectivement l'équivalence au sens strict du cerveau, mais il y a un système nerveux. Et voyez, ce que je crois, c'est que de façon générale, les processus cognitifs sont très similaires dans toutes les espèces animales, pour une raison bien précise qui tient à la physiologie, qui tient à l'appareil qui produit la pensée, pour parler de manière un petit peu schématique. C'est ce qui explique, à mon avis, la grande parenté du fonctionnement cognitif. En particulier, tout ce qui relève, comment dirais-je, des concepts de base, n'est-ce pas, de préexiste dans le cerveau de tous les animaux. Certaines expériences relativement récentes chez les poussins sont tout à fait remarquables pour montrer que le poussin, vous voyez, un animal qui paraît relativement peu intellectualisé et puis qui ne sait rien puisque ça n'est qu'un poussin, a déjà le concept de identique ou différent. C'est-à-dire que ces grands concepts, à mon avis, préexistent à toute forme d'apprentissage. Ils sont encodés dans la mécanique neuronale et ils sont vastement similaires dans tout un ensemble d'espèces animales. Dès lors qu'il y a neurones et système nerveux central. Voilà. Dominique Lestel, sur cette notion d'intelligence collective, d'intelligence des insectes, comment est-ce que vous l'appréhendez? Moi, je pense qu'il y a effectivement une intelligence collective qui est un peu délicate parce que la frontière avec les phénomènes d'adaptation ne sont pas si évidents que ça. Mais à partir du moment où on va avoir des possibilités de pouvoir changer de stratégie en fonction des défis rencontrés, on peut parler d'intelligence. Et la question est de savoir jusqu'où on peut étendre le phénomène de l'intelligence, et en particulier la question de l'intelligence végétale se pose de plus en plus, et elle se rapproche de cette intelligence collective des insectes sociaux. Pour parler justement d'une étude récente des chercheurs de l'université Queen Mary à Londres, ont montré sur certains bourdons qu'il était capable de les entraîner, que sur 40 bourdons, 23 avaient appris à tirer vers eux une sorte de fleur artificielle, mais plus avant que plusieurs de ces bourdons ont réussi à comprendre et à répéter cette action juste en observant les autres, qu'il y avait donc une forme de compréhension, d'intelligence véritablement sociale et répétitive. Est-ce que, là encore une fois, je reviens à ma question initiale, est-ce qu'on peut parler d'intelligence, de processus cognitif, d'apprentissage, d'évolution, Yves Christen? Oui, je crois que oui, parce que si vous voulez, fondamentalement, et ça rejoint ce que disait Dominique Lestel, l'un des problèmes qui se pose aux êtres vivants, surtout aux animaux, mais aussi un peu aux végétaux, c'est une certaine capacité de s'adapter à des situations. Et on a longtemps pensé que les insectes étaient extrêmement stéréotypés. On l'a pensé notamment dans le cadre des études remarquables de Jean-Henri Fabre, l'entomologiste provençal. Mais Fabre lui-même avait remarqué que cette stéréotypie n'était pas complète. C'est-à-dire que l'animal arrive quand même à s'adapter à la variation. Parce que imaginez, prenez un bousier, vous savez que Fabre a beaucoup étudié les bousiers, imaginez le bousier en train de pousser sa bouse sur un territoire provençal. Cet animal, il a affaire à quelque chose qui est variable. C'est-à-dire que le terrain ne va jamais être plat comme une table de billard. Il va y avoir de la pluie, de l'eau. Il va y avoir l'autre bousier qui vient lui piquer sa bouse, un prédateur, etc. Une herbe sur le chemin, sans parler de Favre lui-même qui met une épingle pour bloquer le système. Donc, vous voyez, cet animal, il est soumis, comme tous les autres animaux, au fait qu'il ne peut pas être complètement stéréotypé. Il peut être l'instinct est très important, mais je crois qu'il faut revoir la notion d'instinct. Il faut la rebâtir complètement. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas survivre en tant qu'animal si vous êtes complètement stéréotypé, parce que votre environnement va être variable, va être imprévu. Donc il faut fonctionner cognitivement avec ces imprévus. Et on va voir que parfois, justement, même en manipulation expérimentale, c'est-à-dire en milieu captif, on peut découvrir des comportements qui ne sont pas des comportements qui étaient prévus par le protocole expérimental. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez constaté pour ce reportage du jour que les perruches, ça a peut-être une petite tête, mais elle fonctionne fichtrement bien cette petite tête. Bah oui, c'est ce que j'ai découvert avec Dalila Beauvais, qui est directrice de recherche au laboratoire Éthologie, Cognition et Développement de l'Université Paris-10 à Nanterre. Dalila Beauvais, elle étudie depuis quelques années les facultés cognitives des perruches calopsites, et depuis quelques temps, elle s'intéresse à la notion d'empathie chez ces oiseaux-là. Avec Mathilde Lecovec, dont elle dirige la thèse, elle analyse également le rapport de ces perruches à la musique, et notamment comment ces oiseaux agissent quand on leur confie des instruments. Le jour où je suis allé les rencontrer, malheureusement, les oiseaux avaient attrapé un petit virus, du coup, on ne pouvait pas les voir, mais on a quand même pu revoir les expériences qu'elles avaient filmées quelques jours plus tôt. C'est un laboratoire où nous avons à la fois des éthologues et des chercheurs qui travaillent en psychologie du développement chez l'enfant. On essaye un peu de faire des ponts entre les deux. Dans certains cas, on peut comparer, voire faire les mêmes manips chez les oiseaux et chez les enfants. Donc les perruches calopsites, c'est celles qu'on voit souvent en animalerie, qui sont grises et jaunes avec des jolis ronds orange sur les joues et une huppette qui effectivement est intéressante parce qu'elle peut montrer leur état d'attention, leur émotion, etc. Alors actuellement, on travaille sur la musique et l'empathie, donc on essaye de voir s'il peut y avoir des liens entre les deux. Et déjà, la musique, ça a été peu étudié chez les oiseaux, donc c'est l'idée de voir si eux-mêmes sont capables de produire des choses qu'on pourrait qualifier de musique en leur fournissant des petits instruments de musique. On essaye de voir aussi s'ils ont spontanément des préférences pour différents types de musique humaine, donc plus ou moins rythmée, consonante ou dissonante, etc. Et déjà s'ils préfèrent entendre de la musique par rapport à ne rien entendre du tout, ce qui n'est pas forcément évident, parce que chez les singes par exemple, qui sont pourtant plus proches de nous, ce qu'on a constaté c'était qu'ils préféraient des rythmes lents, donc ils préfèrent des berceuses à du rock, mais en fait si on leur donne le choix entre la berceuse et le silence, ce qu'ils préfèrent c'est le silence, donc... Pour eux, la musique, ça serait avant tout du bruit. Alors que chez les oiseaux, par contre, ils semblent préférer certains types de musique, notamment de la musique classique. Ils aiment bien des compositeurs comme Bach par rapport à de la musique moderne, mais aussi par rapport à du silence. Il y a différentes façons de définir la culture animale. On parle souvent des cultures que les animaux créent entre eux. Et donc, à ce moment-là, ça sera plutôt le fait qu'ils aient un ensemble de traditions en commun. Donc, ils vont utiliser, par exemple, des outils de certaines façons, des systèmes de communication. Mais c'est vrai que la musique, c'est évidemment un élément très important de la culture humaine. Donc, l'idée de voir si on trouve des choses de ce type-là chez les oiseaux aussi, ça peut qualifier pour certaines formes de culture, oui. Alors, je m'appelle Mathilde Lecovec et je suis doctorante en première année au laboratoire. Et au cours de mon sujet de thèse, je m'intéresse plus spécifiquement à la sensibilité musicale chez les oiseaux, donc chez les perruches, comme Dalila en a parlé, essentiellement autour de trois axes, donc les préférences musicales, une expression, alors l'idée ce serait de voir justement si on peut la qualifier d'artistique et de musicale, si on peut parler de prémices d'art et de musique, et l'influence que la musique peut avoir sur les comportements. En ce moment, je travaille donc sur l'expérience qui s'intéresse plus particulièrement à l'expression musicale. Et donc l'idée, c'était de leur fournir différents supports, donc des instruments de musique comme des xylophones, des grelots, des supports pour qu'ils puissent rythmer. Et on a observé différents comportements, effectivement, qui sont assez intéressants, qui ne sont pas encore analysés, mais qui sont déjà intéressants, je trouve. Donc ce sont des extraits très courts. Je peux commencer par vous montrer ce qui se passe quand je leur joue, moi, du xylophone. C'est assez intéressant parce qu'ils répondent par des petits cris aux notes que je leur propose. Encore une fois, c'est pas du tout interprété pour le moment, mais c'est quelque chose que j'ai constaté effectivement, qu'à chaque fois que je joue une note, eh ben, y a ce petit cri qui pousse comme en réponse à la note. Donc, On voit qu'ils sont attentifs aussi, parce que leur posture, la façon dont ils dressent leur crête en particulier, ça indique effectivement qu'ils sont vraiment tout le groupe, même ceux qui répondent pas, sont attentifs à ce qui se passe. Est-ce qu'on peut voir d'autres expériences que vous auriez faites éventuellement ? Alors oui, on peut voir... Bon, alors là, on n'a que le son, mais ce que je peux vous montrer, ce serait celle-là. Donc, qui montre le comportement d'un oiseau. Donc, en fait, là, vous avez l'oiseau face au xylophone, et ce qu'on entend, c'est l'oiseau qui pose ou qui lâche le grelot sur le xylophone. Donc là, il a compris que... Donc là, voilà, il a visiblement compris que en posant le grelot, ça produisait un son. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'utilise pas directement son bec, en fait. Il va utiliser un autre objet pour produire le son. Et bien entendu, on ne l'a pas entraîné à ça. Nous, on n'y avait même pas pensé. On ne lui a pas fait de démonstration de mettre un grelot sur le xylophone. Il a inventé ça tout seul parce qu'on a mis à sa disposition le xylophone et les grelots. Nous, on pensait qu'il les utiliserait de façon séparée, mais c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser l'un pour le laisser tomber sur l'autre. Et il le fait de façon répétée et systématique, donc c'est pas non plus par hasard qu'il fait ça. Tout à l'heure, vous me parliez voilà, des expériences qui sont menées un peu en parallèle aussi avec des bébés. Mmh. Pourquoi ces expériences parallèles entre la psychologie du bébé et la psychologie des animaux que vous étudiez ? Parce que justement, c'est intéressant de voir s'il y a des phénomènes qui sont similaires, et particulièrement entre les oiseaux et les humains. Parce que quand on étudie des singes et qu'on trouve les mêmes choses que chez nous, on se dit que ça devait exister chez notre ancêtre commun. Quand c'est chez les oiseaux, c'est forcément pas le cas, parce qu'on est tellement éloigné phylogénétiquement. Mais peut-être qu'il y a des processus qui, au cours de l'évolution, finalement, on aurait évolué de façon similaire, parce qu'on aurait certains phénomènes qui seraient les mêmes. Par exemple, l'importance de la vie sociale, l'apprentissage vocal aussi. Donc c'est quelque chose qui est très limité chez les singes, mais qui est évidemment très important chez les oiseaux et chez les humains. Vous parliez de la grande différence phylogénétique entre ces oiseaux et nous. Quels sont les points communs voilà, qu'on a avec eux et qu'est-ce qui nous relie à ces oiseaux-là ? Alors, chez certaines familles d'oiseaux, en tout cas, il y a une intelligence qui est particulièrement développée. Donc, il y a deux familles d'oiseaux, les corvidés, la famille des corbeaux, des pies, des geais, etc., et les psittacidés, donc la famille des perroquets et des perruches. Ils ont un plus gros cerveau que les autres oiseaux. Et ça pourrait être lié alors au fait qu'ils soient monogames à long terme. Donc, c'est l'hypothèse d'un chercheur anglais qui s'appelle Nathan Emery. Et du coup, le fait qu'ils soient monogames à long terme, ben, on sait tous que pour vivre longtemps avec la même personne, il faut une certaine intelligence. Et donc, ça pourrait être intéressant parce que là aussi, c'est une caractéristique qu'on a en commun avec les oiseaux et pas avec la plupart des singes qui, eux, ont plutôt d'autres systèmes d'appariement. Comme je disais, l'apprentissage vocal, il est limité chez les singes. Il est important chez les oiseaux et chez les humains. Et du coup, chez ces oiseaux qui sont capables d'apprentissage vocal, donc notamment les perroquets, il y a une connexion dans le cerveau entre les aires auditives et les aires motrices. Et donc, ça pourrait les prédisposer à produire de la musique ou à être sensibles à la musique et également à danser en rythme. Parce que c'est quelque chose qu'on a observé pour l'instant uniquement chez les oiseaux de la famille des perroquets, que ne font pas les singes, que ne font pas les autres animaux à l'exclusion des éléphants. Donc ils sont capables, spontanément, toujours sans entraînement, de danser en rythme. Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp qui a suscité quelques réactions ici en studio. Dominique Lestel, vous vouliez réagir à ce que vous venez d'entendre ? Oui, alors bon, je reviens pas sur le fait que visiblement la monogamie rend intelligent, mais... Je trouve que la situation est très intéressante quand même, de ce qu'est l'éthologie aujourd'hui et la psychologie comparative. Mm-hmm. Parce que dans ce projet de recherche qui vise à comprendre le rapport des perruches avec des instruments de musique et de les comparer avec des enfants, il y a des psychologues du développement, il y a des éthologues, mais il n'y a pas de musicologue, il n'y a pas de musicien non plus. Et je pense que c'est assez symptomatique de la façon dont l'éthologie prend ce type de phénomène. Alors il y a d'autres travaux qui sont très intéressants de ce point de vue. Je pense en particulier à ceux d'Olis Taylor, qui n'est pas véritablement une éthologue sensu stricto, mais qui est une musicienne professionnelle qui s'est mise à faire de l'éthologie, qui a passé une thèse en musicologie qui portait sur les chants d'un merle australien en reprenant les chants et en les retranscrivant de façon musicale. Et ça, c'est une caractéristique qui est très intéressante, c'est que les éthologues qui travaillent sur les chants des oiseaux, le plus souvent, les regardent, ne les écoutent pas, mais les regardent puisqu'ils les étudient à travers des sonogrammes. Et il y a très très peu d'équipes qui étudient les chants d'oiseaux qui incluent de véritables musiciens, de véritables musicologues. Mmh. Yves Christen, sur ce reportage. Je pense que ce qui est très intéressant, les oiseaux, évidemment, ça a été un peu une révolution en éthologie, parce que tout ce qui a été fait sur les corvidés et les psittacidés montre une forme d'intelligence extrêmement proche de celle qu'on trouve chez les humains et chez certains cétacés. Donc on a là au moins trois groupes phylogénétiques, quatre, puisque c'est deux groupes d'oiseaux et deux groupes de mammifères. Je mets les humains et les grands singes ensemble, c'est à peu près la même chose. Personne n'est étonné que les grands singes soient à peu près comme nous. C'est beaucoup plus étonnant pour les animaux très différents. Les oiseaux, en plus ça, c'est d'autant plus différent qu'ils ont un cerveau plus petit que celui des humains, mais qu'ils n'ont pas de néocortex. Et on pense qu'une autre partie du cerveau, qui s'appelle le striatum, joue un rôle dans les fonctions cognitives. D'une certaine manière, moi, j'en suis surpris. Enfin, ça m'intéresse, ça me fascine, mais pas bouleversé, dans la mesure où, une fois encore, c'est organisé d'une certaine manière de la même façon, mais aussi et peut-être surtout, les oiseaux, les animaux sociaux, de manière générale, ont eu affaire au même type de problèmes, les uns et les autres. Parmi ces problèmes, il y a ceux qui sont liés au fait de vivre avec des congénères. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser à leurs intentions, à leurs états d'âme, à leurs états d'esprit, à ce qu'ils pensent, notamment au bien ou au mal qu'ils vous veulent. Et c'est pour ça que c'est utile de savoir tricher, parce qu'en trichant, on peut d'une part éviter des ennuis, comme dans l'exemple qui a été donné tout à l'heure, où on peut créer des ennuis à d'autres, ce qui revient un peu au même. Donc il y a là toute une mécanique intellectuelle, très subtile finalement, qui est commune. Alors bien entendu, face à ce défi qui lui est commun, les organismes réagissent avec les armes dont ils disposent. Bon, il est clair que les oiseaux, ça peut voler, etc., etc. Bon, il est clair aussi, en sens inverse, que les dauphins, par exemple, n'ayant pas de bras, ne peuvent pas exprimer leur intelligence en taillant des bouts de silex, par exemple. Peut-être pourraient-ils le faire s'ils avaient des outils en question, vous voyez. Donc, chacun, évidemment, a un dispositif qui lui permet de réaliser ses propres créations culturelles, mais avec un dispositif mental qui, lui, est largement commun. Quand vous entendez que les perruches préfèrent, a priori, les compositeurs comme Bach, on peut quand même se dire que là, niveau anthropomorphisme, on y va un peu fort, non? Ben, c'est quand même des valeurs sûres. Enfin, je ne suis pas un grand musicologue, loin de là. Je voulais pas être pédant, mais enfin, je pense que c'est quand même quelque chose qui globalement fait l'unanimité. Une autre valeur sûre d'un autre genre. Vous avez pas vu Mirza? La la la la la. Vous avez pas vu Mirza? La la la la la. J'avais pas vu Mirza. Oh la la la la la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Je le vois, veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et dans le dernier quart d'heure de cette émission consacrée à l'intelligence avec Dominique Lestel, philosophe, éthologue, et Yves Christen qui est éthologue également et biologiste, je voudrais qu'on dise un mot, parce qu'on l'a évoqué à l'instant avec les perruques. Vous avez dit quelque chose, Yves Christen, qui m'intéresse beaucoup tout à l'heure, à propos de rebâtir la notion d'instinct. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que on peut, on l'a déjà un tout petit peu dit avec les insectes tout à l'heure, superposer ce qui serait de l'adaptation à des avantages évolutifs spécifiques, finalement, à un vrai processus cognitif complexe. Quel est le lien que l'on fait aujourd'hui? Quelle est la différence, le tuilage, la perméabilité entre la notion de cognition et la notion d'instinct qu'on a chez les oiseaux? Je crois qu'il n'y a pas lieu d'opérer une telle distinction. La mécanique cognitive, elle n'est pas venue du Saint-Esprit. Elle est venue du fait que ça correspondait également à une pression de sélection et qu'il était utile pour les animaux, des créatures pourvues de cerveau, de faire marcher cette mécanique et de penser d'une certaine manière. Ce qui relève de l'instinct comme ce qui relève des comportements dits non instinctifs, dans les deux cas, ça fait intervenir de la cognition. Ce que je crois maintenant, c'est que la distinction entre les comportements instinctifs et non instinctifs devrait être revue. Je crois d'une part que les hommes sont des créatures d'instinct comme les animaux non humains, et inversement, que les animaux non humains ont des processus non stéréotypés, souples, qui sont du type de ceux que nous avons. Il est probable que dans le cas de l'espèce humaine, nous avons souvent une multitude d'éléments, de sous-unités d'instinct, si je puis dire, qui interagissent. Et il est probable aussi que nous avons la capacité à distinguer des éléments élémentaires du comportement, alors que chez un animal non humain, on va étudier un bloc de comportement. Donc on ne voit pas toutes les subtilités. Et c'est ce qu'il faudrait faire. D'une certaine manière, j'ai beaucoup fait pour essayer de détruire le concept de propre de l'homme, et d'autres aussi, bien entendu, mais au fond de moi-même, c'est pas tellement ça qui me paraîtrait le plus intéressant. Le plus intéressant, ce serait essayer d'avoir un moyen de rentrer dans la subjectivité d'autrui, tout en sachant que ce n'est pas possible complètement, mais en tout cas, de l'aborder un peu comme cela a été fait en ethnologie. Finalement, l'ethnologie a produit des résultats intéressants dès lors que les ethnologues ont essayé, par-delà des quantifications, des observations dites objectives, de se mettre un peu dans la tête des personnes qu'ils étudiaient. C'est ça qui, effectivement, serait le plus fascinant. Dominique Lestel, vous partagez ce point de vue? Oui, je pense qu'il y a un certain nombre déjà de problèmes méthodologiques aussi en éthologie et en psychologie comparée qui devraient être pensés plus. Je donne deux exemples. Le premier, c'est la question des anecdotes, de ce qu'on appelle les anecdotes, et le deuxième, c'est la question des différences interindividuelles. Donc il y a une objection qui est souvent faite à ceux qui vont montrer des comportements un peu étranges chez l'animal, qu'il ne s'agit que d'anecdotes, ce qui du coup neutralise absolument toute une partie des capacités de l'animal, puisque c'est considéré comme anecdote. Par exemple, quand vous avez il y a un primatologue, Christophe Bush, qui a montré qu'une femelle enseignait à son fils comment utiliser des outils pour casser une noix de coula. Entre parenthèses, il y a très très peu d'exemples d'enseignement. Il y a beaucoup d'apprentissage, mais il y a très peu d'enseignements qui ont été montrés chez l'animal. Il n'y a qu'une observation qui a été faite. Alors souvent on dit c'est une anecdote. Non, c'est pas une anecdote parce que c'est Christophe Bush qui l'a faite. C'est un primatologue reconnu. Ça fait 20 ans qu'il est sur le terrain. Il a été formé à ça, etc., etc. C'est pas la même chose que si quelqu'un qui faisait un safari avait vu ça et avait décrit ce type de comportement. Donc ça c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est on a affaire plutôt à des occurrences faibles plutôt qu'à des anecdotes. Et il me semble que la notion d'occurrence faible devrait être conceptualisée mieux en éthologie pour pouvoir rendre compte de ce type de phénomène. Et puis le deuxième problème, c'est les différences interindividuelles qui sont encore largement sous-estimées. C'est-à-dire que on dit le chat est capable de faire ça, le perroquet est capable de faire ça. Or, il y a des différences interindividuelles énormes entre deux perroquets, entre deux chimpanzés. Et on n'étudie pas bien ça parce que ça rentre pas dans les schémas justement d'espèces. Mais on commence à le faire. Je crois qu'il y a un grand champ de développement aujourd'hui. C'est justement les études de différences individuelles, différences de personnalités, différences cognitives chez des espèces très différentes. Ça a été fait beaucoup chez les oiseaux, bien sûr chez les primates, même chez des insectes. Je crois que c'est quelque chose qui est en train véritablement de se développer. Ceci étant, on ne dira jamais assez qu'il y a des biais méthodologiques importants, y compris dans les travaux les plus spectaculaires. Je vais vous donner un exemple, un travail de quelqu'un qui est tout à fait remarquable, qui est Michael Tomasello, qui est certainement l'un des numéros 1 de la psychologie animale, et humaine aussi d'ailleurs. Et Mike Tomasello a publié il y a quelques années un travail très important dans la revue Science, dans lequel il compare la cognition de tous les grands singes, hommes, orang-outans, bonobos, et chimpanzés. Et il observe qu'en gros, la connaissance du monde, ce qui se rapproche du quotient intellectuel, disons, est similaire dans toutes les espèces, pour ne pas dire identique. Que par contre, l'intelligence sociale est beaucoup plus développée dans le cas de l'espèce humaine. Et ce que je crois être vrai, mais ce que je crois surtout, c'est que l'expérience telle qu'elle est faite ne le démontre pas. Et d'ailleurs, Christopher Bosch, qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, avait écrit pour protester contre le protocole lui-même, car vous avez d'un côté un enfant humain qui est testé par un être humain et qui est lui-même sur les genoux de sa maman, et d'un côté, vous avez un jeune singe qui est confronté à un expériment qui n'est pas avec sa maman, qui est tout seul, avec aucun congénère, et qui est confronté à un être humain, un être d'une espèce différente. Donc je pense qu'effectivement, ce protocole ne permet pas d'évaluer l'intelligence sociale. Pourtant, c'est publié dans la plus importante revue scientifique du monde, en Science. Et vous ne pensez pas qu'il y a des progrès qui ont été faits justement sur ce type d'observation-là aujourd'hui ? Bien sûr, non, il y a des progrès considérables. Sur la prise en considération beaucoup plus forte. Et je dois dire que Mike Tomasello a contribué lui-même à réaliser beaucoup de ces progrès, mais... Et surtout, compte tenu du titre de votre émission, je crois qu'il est très important de se poser la question de la méthodologie. C'est d'autant plus important que, en termes de méthodologie, quand vous ne trouvez pas une capacité cognitive, et j'évoque, je pense, en disant cela, des études comme celle de Povinelli il y a quelques années, quand vous ne trouvez pas une capacité cognitive chez un animal que vous soumettez à une expérience de type humaine, ça ne prouve pas que la cognition en question n'existe pas. Ça prouve que votre expérience n'a pas permis de la montrer. Donc peut-être qu'elle existe, mais que vous n'avez pas su la démontrer. Et donc sur le plan de la méthodologie, tout ceci, c'est pas du pinaillage, c'est vraiment important. Si je vous entends bien, Yves-Christen, ça veut dire qu'il faut privilégier aujourd'hui, en éthologie, l'observation naturaliste, il faut être capable... Il faut les deux. Non, je crois qu'il y a d'une part... Les deux montrent des choses différentes. Je pense qu'il faut... avoir des observations en milieu naturel, des observations contrôlées en milieu de type laboratoire, en se posant toutes les questions critiques sur ce qu'on peut déduire de ces expériences. Et il faut aussi avoir à l'idée, ce qui a été dit par Dominique Lestel et qui est extrêmement important, qui est la question des différences d'intelligence. Je le dis d'autant plus que souvent, quand on parle des performances cognitives des bonobos, des chimpanzés, on vous dit « oui, mais ils n'ont pas d'Einstein, les personnes... » Si vous prenez trois humains dans un laboratoire, vous verrez un Einstein. Et pour trouver un Einstein ou un Poincaré ou un Darwin, il faut en prendre combien de dizaines de millions d'êtres humains? Donc quand vous étudiez trois personnages en laboratoire ou dans la nature, 3, 10, 15, même 100, l'échantillonnage est très petit. Vous ne voyez pas. Voyez, moi, par exemple, je n'ai jamais vu de crime dans la rue. Or, il y a des crimes, nous le savons tous les jours. Et la plupart d'entre nous n'en voient jamais. Donc, ça existe, mais ça n'est pas très commun, donc on ne le voit pas. De la même manière, il est très possible que les animaux aient fait des inventions sans qu'on le sache, parce qu'on ne l'a pas vu. Il y a un exemple que j'aime beaucoup dans cette perspective, c'est celui de ce qu'on peut appeler la révolution de l'ADN. La révolution de l'ADN en éthologie, ça a permis de pouvoir faire des tests ADN en particulier pour savoir quels sont les pères des petits dans un groupe. Et dans l'équipe de Christophe Bosch, il y a eu cette étude qui a été faite il y a quelques années qui montrait que, à la surprise absolument générale, une partie non négligeable des bébés chimpanzés d'un groupe ne provenait pas des pères des mâles de ce groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que personne, donc visiblement ni les mâles, ni les primatologues n'avaient vu les femelles sortir du groupe pour aller se faire féconder par des mâles étrangers. Donc ce qu'on ne voit pas est absolument considérable. C'est d'ailleurs probablement quelque chose, on parlait tout à l'heure de la polygamie, qui est beaucoup plus fréquent, c'est comme l'infanticide, beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Par exemple, chez les léopards, on sait maintenant que presque toujours, une femelle léopard va s'accoupler avec tous les mâles possibles des environnements. Sauf si le mâle qui est dans le secteur est suffisamment fort pour ne avoir aucune concurrence, mais ça ne dure pas très longtemps. Sinon, de manière générale, la femelle s'arrange pour s'accoupler avec tous les mâles possibles parce que l'infanticide est systématique, n'est-ce pas ? Chez les grands fauves, les lions, les léopards, le mâle qui rencontre un bébé qui n'est pas à lui, le tue. Donc l'idée, enfin le calcul, c'est que la femelle s'étant accouplée avec tout le monde, elle peut penser que tous les mâles considéreront qu'ils sont les pères de l'enfant. Compte tenu de la vanité du mâle. Alors, on avait dit pas trop d'anthropomorphisme. Pour finir, un mot, si vous le voulez bien, sur l'évolution des législations sur les animaux en France. On vient de faire évoluer, hein, il y a peu le code civil pour que les animaux ne soient plus considérés comme des biens meubles, mais comme des êtres vivants doués de sensibilité. Plusieurs pays, l'Inde et l'Argentine notamment, ont accordé de façon certes limitée, mais le statut de personne non humaine à des animaux, en l'occurrence à des dauphins et à des orangs-outans. On est là aussi en train d'ouvrir petit à petit, progressivement, un champ d'acceptation, de tolérance vis-à-vis du monde animal, un champ de connaissance et de conscience de cette intelligence qui permet de changer, de transformer radicalement notre rapport aux animaux. Vous pensez, pour conclure, Dominique Lestel ? Je pense qu'en fait, il se joue quelque chose de très intéressant là, qui est tout simplement l'entrée de l'espèce dans le jeu politique. C'est-à-dire que un nombre croissant de débats politiques tourne autour de l'espèce. Oui, il vient d'avoir en France un appel à la création d'un secrétariat d'État à la condition animale. Oui, alors animale. Au mois de novembre, par exemple, au mois de novembre dernier, il y a eu la création d'un parti animaliste, mm-hmm. très intéressant, et ce parti animaliste n'est pas le seul, puisqu'il y a des partis animalistes qui existent aussi aux Pays-Bas, au Portugal et en Australie. Et ce ne sont pas des partis anecdotiques, puisque le parti néerlandais, au moins, a des élus aussi bien au plan local que national qu'européen. Donc, quand vous regardez le programme de ce parti animaliste, c'est vraiment autour de l'animal. C'est pas, il y a pas de programmes sociaux, il y a pas de, etc. C'est uniquement autour de la question de l'animal. Je pense que la question de l'espèce, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec quelles espèces, quel est le statut de telles espèces par rapport à telle autre espèce, etc., va devenir une question fondamentale, surtout si on l'ouvre sur les problèmes de biodiversité et sur les problèmes d'OGM et sur les problèmes du post-humain, qui est quand même le fait d'aller au-delà de l'espèce, et la question des robots avec des êtres vivants qui ne vont pas être d'espèces, qui ne vont pas être carbonés, qui ne vont pas être ni des animaux ni des végétaux, et qui vont aller dans le jeu. Parce que si on commence à vouloir évaluer l'intelligence de l'animal à partir de ses performances, là, avec les robots, on va beaucoup s'amuser. On a parlé un peu des robots, on en reparlera, mais c'est pas tout à fait le thème de l'émission. Yves Christen, pour conclure sur cette question. Bien, écoutez, ce qui vient d'être dit donne effectivement une idée intéressante, c'est que il ne faut pas espérer avoir des réponses simples du genre, il est clair que les singes ou les grands singes, ou plus les dauphins, plus deux, trois autres, sont des personnes que l'on peut considérer comme telles et qu'on doit traiter comme telles, avec l'idée de mettre une barrière. Il est clair que on ne pourra pas trouver une barrière qui soit absolument légitime. On ne pourra pas non plus probablement ne pas mettre des éléments de barrière, parce qu'il est strictement impossible d'avoir un respect systématique de toute forme de vie. C'est tout simplement contraire au processus biologique darwinien lui-même. Donc on va arriver vers une situation qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle est d'une très haute complexité. Mille merci à vous deux, Dominique Lestel, Yves Christen. Je rappelle que vous avez tous les deux participé à cet excellent livre « Comment les animaux sont devenus intelligents » préfacé par Jane Goodall aux éditions Arte Éditions. Les liens qui libèrent, on peut mentionner également votre livre, Yves Christen, « L'animal est-il un philosophe ?» aux éditions Olive Jacob. On mettra toutes les références bibliographiques sur le site de La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Dans un instant, le journal de 8h, on se retrouve samedi prochain à 7h, jusqu'à preuve du contraire.